L'actualité à Nancy et ailleurs. Dans le monde, plus de 800 millions de personnes souffrent de la faim. Depuis 1979, Action contre la faim œuvre contre ce fléau. De nombreuses délégations au niveau national existent et coup de projecteur aujourd'hui sur la Meurthe-et-Moselle en compagnie de Marie-Paul Duclos. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc déléguée départementale d'Action contre la faim à Nancy. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer au niveau local comment ça se concrétise cette action ? Alors en fait, au niveau local, bon déjà, on est le relais du niveau national, c'est-à-dire que on va organiser des opérations nationales et les faire en Meurthe-et-Moselle. Alors il y a des temps forts, évidemment. Il y a la Journée mondiale de l'eau qui se passe au mois de mars, le 22 mars. Donc là, chaque année, on fait une opération qui est là pour sensibiliser le public, en fait, les passants, leur dire, voilà, est-ce que vous savez que c'est la Journée mondiale de l'eau, et puis leur parler, effectivement, des problèmes d'accès à l'eau dans certains pays. Donc ça, c'est au mois de mars. Et il y a également la Journée mondiale de l'alimentation qui allait au mois d'octobre. Et là, c'est exactement pareil. On sensibilise les gens justement au problème de l'accès à l'alimentation. Et sinon, ce que l'on fait aussi, c'est des opérations qui, elles, sont plutôt très locales. C'est-à-dire que c'est nous qui décidons de ce que nous allons faire. Donc ça change un petit peu. On avait l'habitude de faire tous les ans une opération qui s'appelait « Mon don contre la faim », qui se traduisait par une marche gourmande avec une journée d'animation. Bon, là, on est coincé, ça fait 2 ans qu'on ne peut pas la faire, quoi. Donc, on espère vraiment de tout cœur pouvoir cette année faire cette journée. Et puis, sinon, on a des projets, évidemment, et on a un projet de course de casse à savon. Voilà, on va revenir sur vos projets et les actions à venir. Vous, vous êtes déléguée départementale. Bien sûr, vous n'êtes pas toute seule, vous avez d'autres bénévoles avec vous. Oui, bien sûr. Alors, on est à peu près une quinzaine, tous bénévoles, évidemment, et avec chacun un petit peu sa particularité. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup de chance au Meurthe-et-Moselle parce que notre équipe est très variée et avec des compétences complètement différentes. Donc, ça nous permet de vraiment faire un travail formidable avec chacun. Chacun son travail, chacun sait ce qu'il a à faire et avec son talent. Et pour parler plus de votre action à vous, vous êtes donc déléguée départementale. Qu'est-ce qui vous a amené à vous investir au sein de l'association ? Alors écoutez, j'ai toujours été sensibilisée. La preuve, c'est que j'ai commencé, j'avais 15 ans. Et un jour, on a un prêtre qui est venu nous voir dans notre école et nous parler de la faim dans le monde. Alors à l'époque, c'était pas Action contre la faim, c'était la campagne mondiale contre la faim. J'étais sensibilisée là et avec mes copines, on a organisé des ventes de muguet qu'on allait chercher dans les bois, des jonquilles, enfin, etc. Et j'étais déjà sensibilisée à cette époque à 15 ans. Après, j'ai fait d'autres choses. Et puis, il y a à peu près 8 ans, il y avait une annonce dans le journal qui cherchait donc une coordinatrice pour la Meurthe-et-Moselle. Et donc, j'ai postulé et je suis déléguée départementale. Avec beaucoup de choses à faire, vous m'aviez expliqué aussi en préparant que vous êtes sur la Meurthe-et-Moselle, mais vous avez aussi un coup d'œil sur ce qui se passe dans les départements voisins ? Voilà, c'est ça. Donc, parce qu'en fait, la délégation est la seule en Lorraine. Donc, évidemment, dès qu'il y a quelque chose à faire ailleurs, c'est-à-dire si on est sollicité par la Moselle, les Vosges ou la Meuse, évidemment, on y va et on participe, on organise et, des manifestations aussi. On en a fait récemment en Moselle avec Super U, qui est une ancienne partenaire d'Action contre la faim. On a fait aussi un tournoi de golf aussi à Marly, en Moselle. Donc, et voilà, et là, on cherche un petit peu aussi à faire des choses dans les Vosges. Parce que c'est quand même dommage de ne pas un petit peu aller animer là-bas aussi et puis parler de la faim dans le monde. Ce travail de sensibilisation, vous le faites aussi avec les plus jeunes, les enfants, les écoles ? Oui, alors vous faites très bien de m'en parler parce que justement, il y a donc une opération qui s'appelle la course contre la faim. Là, c'est une opération aussi nationale avec des chargés de projets jeunesse qui sont un petit peu dans toutes les régions de France. Et le but, en fait, c'est justement de sensibiliser les enfants, les élèves, les collégiens pour qu'ils comprennent, en fait, et puis les inciter à faire eux aussi une manifestation. Et donc, ça se traduit par une course contre la faim. Donc, en principe, elle a lieu sur le plan national en avril-mai. Et nous la déclinons. Donc, à Nancy, par exemple, là, c'est pareil. Hein, il n'y a pas pu avoir de course contre la faim à cause Covid. On espère vraiment de tout cœur pouvoir refaire cette année. Donc, en fait, ça s'est passé les autres années à la Pépinière et puis aussi au Parc Sainte-Marie. Donc on espère de tout cœur pouvoir refaire ça. Alors par rapport aux enfants, aux élèves plutôt, nous allons en fait en amont, donc les élèves doivent faire une course, et les bénévoles vont dans les écoles, dans les collèges et tout, et on sensibilise les classes pendant 1 heure, donc avec un film support et puis des questions-réponses pour les sensibiliser, et ça marche vraiment très très bien. pas mal d'actions, des temps forts. Vous avez cité la Journée mondiale de l'eau, notre journée en octobre sur l'alimentation, et des projets pour début février, je crois. Pour début février, donc oui, on a un grand projet qui là aussi est au plan national. C'est l'opération des titres restaurants. Les entreprises et tout donnent des titres restaurants donc à leurs employés. Et souvent, il en reste. Le 31 janvier, c'est la fin, c'est la clôture en fait des titres restaurants. Et donc, nous, par contre, Action contre la faim, nous pouvons les récupérer. Donc, les gens peuvent donner leur titre restaurant. Et en plus, ils peuvent avoir une déduction fiscale de 75%. Donc, non seulement ils ne vont pas jeter leur ticket, mais en plus, ils auront une déduction fiscale. Alors, c'est très important. Et pour cette opération, on a vraiment besoin des restaurateurs. De tous les magasins de bouche, en fait, et tous les endroits où les personnes payent avec des titres restaurants. Et donc, voilà, donc si on pouvait lancer un appel aussi, grâce à votre antenne, à tous les restaurateurs de Meurthe-et-Moselle, c'est tout simple, en fait, hein. Il suffit qu'ils mettent une affiche présentant la campagne dans leur restaurant pour inciter les personnes à faire don de leur titre restaurant. Alors, il y a deux solutions, hein. Ils peuvent les envoyer. Donc, on leur donne des petits flyers avec l'adresse et tout. Ils ont juste à mettre ça dans une enveloppe non affranchie et ils envoient ça qui sont contre la faim. C'est vraiment un truc, une opération qui est vraiment formidable. Et très simple à mettre en œuvre. Et bien sûr, oui. Si on a des questions, on vous contacte. Comment on peut faire pour vous contacter? Alors, deux solutions. Alors, il y a mon téléphone, évidemment. Donc, je peux le donner si bien sûr. Voulez. Donc, le 06 52 87 29 85. Et il y a aussi une adresse mail qui est meurthe-du-6 moselle@actioncontrelafaim.org. Pour vous contacter, notamment pour cette action sur les tickets restaurants, oui. Mais aussi si on a envie d'organiser près de chez soi une opération. Quel que soit le projet, on fait appel aussi aux étudiants, parce que souvent les étudiants ont envie de faire des choses en direction des autres. Donc on fait appel vraiment à tout le monde et aux entreprises aussi. C'est facile aussi d'organiser une manifestation dans une entreprise. Et on les invite aussi, eux, à participer, à organiser une collecte de titres restaurants. Eh bien, Marie-Paule Duclos, merci beaucoup pour cette présentation de Action contre la faim, notamment à Nancy. Peut-être un dernier mot pour terminer cet entretien? Eh bien, écoutez, je souhaite vraiment que tout le monde se sensibilise, se mobilise et puis aille tout simplement voir aussi sur le site d'Action contre la faim France pour se rendre un petit peu compte de tout ce que l'on peut faire et de tout ce qui se passe dans le monde et dans les pays où on intervient. Merci beaucoup. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.